J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le matin, 8 novembre 1921. Voici Landru. C'est son entrée, et non celle des robes rouges et noires qui met un peu de gravité dans cette salle petite, dépourvue de majesté, où l'on parle haut et où on s'ennuie parce que la cour se fait attendre. C'est lui qui attire et retient tous les regards. Lui, 100 fois photographié, caricaturé, reconnu de tous, et différent pourtant de ceux que l'on connaît de lui. Voilà bien la barbe, la calvitie popularisée, le sourcil crêpé, comme postiche. Mais cet homme maigre porte sur son visage quelque chose d'indéfinissable qui nous rend tous circonspects. Un peu plus, j'écrivais, déférent. Une femme, tête nue, derrière moi, chuchote « Il a vraiment l'air d'un monsieur !» Quel éloge ! Un journaliste affirme que Landru a une barbe de préparateur en pharmacie. Un dessinateur dit « Il est bien convenable, on jurerait un chef de rayon à la soie. » La foule n'émettra jamais d'opinion unanime sur Landru. L'homme aux 50 noms, l'homme aux 283 aventures féminines, même sans bouger et avant qu'il ait parlé, est déjà proté. Séduisant, ce séducteur ? Correct, certainement. Faunesque, verlainien, comme on l'a décrit ? Non, ni génial, ni difforme. Au-dessus des vertèbres maigres du cou, le crâne est beau et peut couver l'intelligence, qui sait, l'amour. Pour ce qui est de la face, sa ressemblance évidente avec l'ancien député Secaldi, le Secaldi de Caillot, frappe et gêne un moment. Puis on l'oublie. On l'oublie quand on a vu l'œil de Landru. Je cherche en vain, dans cet œil profondément enchâssé, une cruauté humaine, car il n'est point humain. C'est l'œil de l'oiseau. Son brillant particulier, sa longue fixité quand Landru regarde droit devant lui. Mais s'il abaisse à demi ses paupières, le regard prend cette langueur, ce dédain insondable qu'on voit aux fauves encagés. Je cherche encore sous les traits de cette tête régulière le monstre et ne l'y trouve pas. Si ce visage est frais, c'est qu'il a l'air, osseux mais normal, d'imiter parfaitement l'humanité, comme ces mannequins immobiles qui présentent les vêtements d'hommes aux vitrines. A-t-il tué ? N'a-t-il pas tué ? Nous ne sommes pas près de le savoir. Il écoute, il paraît écouter, l'interminable acte d'accusation débité sur un ton de messe triste qui fond le courage de tous les auditeurs. J'observe sa respiration, elle est lente, égale. Il extrait de son par-dessus noisette des papiers qu'il lit et annote et dont les feuillets ne tremblent pas dans sa main. Je crois que nous ne comprendrons jamais rien à Landru, même s'il n'a pas tué. Colette.